On nous le répète assez dans les médias, ça risque de chauffer dans les prochaines années. Avec les émissions massives de dioxyde de carbone de ces dernières décennies, les scientifiques estiment que les températures moyennes vont grimper de quelques degrés très prochainement, envisageant des scénarios plus ou moins dramatiques sur le futur de l'humanité. Une chose est sûre, à chaque canicule, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de surmonter la chaleur en ville. Avec des prévisions qui estiment qu'en 2050, près de 70% ou 70% pour Alan, de la population mondiale vivra dans des milieux urbains, comment repenser les espaces pour limiter les dégâts? C'est entre autres les questions que se posent certains scientifiques qui travaillent sur les effets du changement climatique en ville, et nous avons la chance d'en avoir une avec nous ce soir. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020, vous écoutez l'épisode 418 de Podcast Science. Comme à chaque émission, nous avons une petite table numérique qui est présente. Ce soir, nous accueillons donc Johan depuis Paris. Salut. Nous accueillons Cléora depuis Perduville. Hello tout le monde. Nous accueillons Pascal, toujours fidèle au poste depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. C'est moi et Léa qui animerai l'émission de ce soir depuis Strasbourg. Et nous avons bien sûr avec nous notre invité du jour, Aude Lemonçu. Bonsoir tout le monde. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent en live, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur live.podcastscience.fm pendant toute l'émission en écrivant @ps avant votre message. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'interview de ce soir. Alors, Aude, c'est un auditeur qui m'a donné ton contact suite à un constat très juste. À Podcast Science, on ne parle pas beaucoup d'actualité. Et une des actualités brûlantes, si je peux me permettre un jeu de mots, c'est le changement climatique. Et effectivement, on parle peu de ce sujet dans l'émission, alors qu'il y en a un grand besoin en ce moment d'informer et de sensibiliser sur ces enjeux. Pourquoi? Déjà parce que c'est un sujet assez vaste, un sujet complexe, un sujet qui est souvent survolé ou maltraité. Il y a beaucoup de déni ou de désinformation dans le traitement du dossier climat. Donc forcément, parler de ce sujet, c'est un peu un jeu d'équilibriste et on n'est pas énormément dans l'équipe à avoir sauté le pas pour en faire tout un dossier. Donc l'idéal, c'est encore de donner la parole à des experts de ce sujet plutôt que de les traiter nous-mêmes. Et il nous manquait la personne de la situation que tu es aujourd'hui, Aude. Donc avec nous, nous avons Aude Lemonçu, qui est chargée de recherche au CNRS, au Centre de recherche de Météo France, pour répondre à nos questions. Et avant de commencer cette interview, est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir et merci déjà pour l'invitation. Alors, effectivement, je suis chargée de recherche CNRS et je travaille dans un labo qui est un labo de météo, donc une UMR qui est CNRS Météo France. Et notre sujet d'étude dans l'équipe, c'est l'étude du climat urbain. Alors, avant de parler de changement climatique, comme tu l'as dit, nous déjà, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les villes vont modifier localement les conditions météorologiques et climatiques. Donc les villes, par rapport à des environnements naturels, elles ont des spécificités qui sont liées aux matériaux, à l'artificialisation des surfaces, aux infrastructures urbaines. Et donc, toutes ces caractéristiques vont modifier localement les échanges d'énergie, les échanges radiatifs, les échanges d'eau, les échanges turbulents. Et donc, c'est tout ça qu'on étudie pour essayer de comprendre comment ça peut avoir un impact sur les conditions environnementales en ville et comment ça peut impacter les habitants et leur confort climatique en milieu urbain. Ok. Je me permets juste de rebondir sur un terme que tu as utilisé. Je vais peut-être t'interrompre un peu régulièrement dans l'émission quand on utilise des mots de jargon. Quand tu dis échange radiatif, ça fait référence à quoi ? Alors, c'est assez facile à comprendre si on imagine la morphologie un peu complexe d'une ville, hein, des bâtiments, des rues, donc un ensemble d'éléments qui sont organisés de façon un peu aléatoire. On va avoir une modification en fait du rayonnement quand il arrive à la surface. Donc les rayons du soleil vont pénétrer en partie dans les rues, mais du fait de la géométrie des rues, on va avoir des effets d'ombrage, on va avoir des effets de réflexion du rayonnement sur les différentes parois de la rue, et tout ça va modifier considérablement les échanges de rayonnement qu'on peut avoir au niveau des surfaces urbaines par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans un environnement naturel où on n'a pas forcément d'obstacles. Ok. Donc on reviendra peut-être sur ces variables du coup que vous étudiez, je pense, dans ton laboratoire. Juste pour défricher un peu le terrain, je pense que la plupart des gens se représentent l'institution Météo France de façon un peu caricaturale, je pense. On n'a pas l'habitude d'associer Météo France à laboratoire de recherche, tu vois. On a plus l'habitude de se dire « Ah, Météo France, c'est les gens qui prédisent la météo sans avoir forcément d'éléments concrets de ce qui s'y passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet organisme et comment vous retrouvez, toi, avec ton institut CNRS à travailler avec eux? Alors, Météo France, donc l'activité principale de Météo France, c'est effectivement d'assurer le bien, enfin d'assurer le... Enfin, de limiter les risques pour les populations avec des prévisions du temps qui permettent d'anticiper les événements à risque en France et dans les dom-toms. Et donc, l'activité principale, c'est effectivement la prévision du temps avec un gros centre de prévision du temps qui se situe à Météo France. Mais sur ce même site à Toulouse, on a aussi... qui est situé à Toulouse. Donc, sur ce même site à Toulouse, on a aussi d'autres... activités et en particulier un centre de recherche qui regroupe différents chercheurs, à la fois des chercheurs qui sont issus de Météo France, mais aussi des chercheurs issus du CNRS, donc au sein d'une UMR. Et ce laboratoire compte à peu près 200 personnes. Et donc, on travaille sur des thèmes de recherche très divers qui vont de la météorologie de moyenne échelle jusqu'aux études climatiques, tout ça dans le but de faire avancer les connaissances sur ces domaines et en partie aussi d'alimenter les modèles de prévision du temps et les modèles climatiques notamment qui sont impliqués dans les exercices du GIEC. Ok, et Toulouse c'est le plus gros centre du coup de Météo France ? Alors effectivement, Météo France a été décentralisé au début des années 80, donc le centre principal est situé à Toulouse. Ok. Aujourd'hui. Et quand tu dis le GIEC, juste, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est ? Alors, c'est le groupe international qui travaille sur l'étude du changement climatique. Donc là, moi, je ne suis pas directement impliquée dans ce groupe, puisque moi, mes activités ne concernent pas directement l'étude du changement climatique. Mais on a tout un groupe de recherche au CNRM qui travaille spécifiquement sur l'étude du changement climatique. Enfin, du climat global, et donc qui s'investit dans les exercices du GIEC qui consistent à des échéances de temps régulières à faire de nouveaux exercices de scénarios climatiques pour améliorer notre connaissance de l'évolution du climat dans le futur. Donc c'est... Donc, Météo France, en gros, a des infrastructures à la fois locales pour observer le changement de météo localement et travaille aussi à envoyer des données pour des mesures plus globales et une compréhension plus globale du climat. Alors, Météo France travaille pour la prévision du temps, donc avec des modèles de prévision qui sont spécifiquement dédiés à cela, et donc fournir des prévisions à la fois à courte échéance au niveau du pays, mais aussi des prévisions du temps sur des échéances plus longues. Météo France gère aussi un réseau d'observation à l'échelle du territoire pour faire un suivi de la météorologie. En plus, effectivement, on a des activités de recherche et des produits de scénarios climatiques qui permettent d'alimenter la recherche sur le climat et aussi de mettre à disposition des données climatiques pour différents types d'applications et différents diagnostics et suivis. Alors, l'étude du climat en général, j'imagine que c'est un domaine qui est assez récent et vous spécialisez surtout sur l'étude de l'impact du climat dans les villes, c'est ça ? Alors, il y a deux aspects qu'on étudie. Donc, on étudie d'une part le climat urbain ou la météorologie urbaine, c'est-à-dire vraiment les spécificités météorologiques qu'on va observer en environnement urbain. Donc là, ce qu'on va regarder, ce sont des phénomènes tels que l'îlot de chaleur urbain. Vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est-à-dire le fait que en ville, on va très souvent observer des températures qui vont être plus chaudes qu'à la campagne, sous l'effet des processus qui se jouent en ville, c'est-à-dire un stockage de chaleur dans les infrastructures urbaines, des rejets de chaleur localement qui vont être liés aux activités humaines comme le chauffage, l'usage de la climatisation ou les rejets de chaleur liés aux voitures. Donc ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, il n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est un phénomène météorologique qui est déjà observé aujourd'hui dans les villes actuelles, que ce soit des grandes métropoles ou même des villes de taille moyenne. Et il peut déjà poser aujourd'hui des problèmes sous certaines conditions météorologiques, d'inconfort thermique pour les habitants, qui peuvent même aller jusqu'à des problèmes sanitaires graves, comme on a pu l'observer lors d'événements de canicule, typiquement en 2003, où on a observé une surmortalité extrêmement élevée, notamment dans la région parisienne, sur la ville de Paris. Mmh. Alors, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, il est au cœur de nos études. Donc ça, c'est déjà un aspect qui nous intéresse. Et en plus, on sait que sous l'effet du changement climatique, on va avoir une évolution du changement global, on va avoir des tendances au réchauffement global et en plus une évolution des occurrences d'événements extrêmes comme des canicules. Donc, notre question, c'est une de nos questions qui motive nos recherches, c'est de savoir comment les effets du changement climatique vont impacter sur le climat urbain qui est déjà inhérent aux villes actuelles. Et on s'attend potentiellement à une aggravation des impacts en milieu urbain. Ok. Et alors, comme c'est plutôt récent, est-ce que tu estimes qu'on peut donner une date de début vraiment à cette discipline-là qui s'intéresse à la météo en ville et aux effets climatiques en ville? Alors, en termes historiques, hein, si on revient vraiment un petit peu à l'origine des premières observations de ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, finalement, le premier scientifique qui avait observé à partir de mesures une différence de température entre la ville et la campagne, c'est un scientifique qui s'appelle Hugh Howard, qui est un biologiste anglais et donc, il avait fait ses observations au début du 19e siècle. Donc ça, c'est vraiment la référence dans notre communauté quand on peut parler des débuts de la climato-urbaine, on parle de Hugh Howard. Ensuite, en termes de première recherche scientifique, ça a démarré plutôt dans les années 70 avec vraiment des premiers chercheurs qui ont commencé à faire des campagnes de mesure en milieu urbain pour mettre en évidence ce type de phénomène-là. Et puis, donc là, essentiellement, sur la base d'observation. Et puis après, il y a eu vraiment une deuxième génération là, de chercheurs dans les années 2000 qui ont beaucoup travaillé sur la modélisation numérique. Donc, le développement de nouveaux outils de modélisation pour vraiment arriver à représenter ces fameux processus qui vont se développer en ville et qui vont être à l'origine du climat urbain et de l'îlot de chaleur urbain. Vraiment depuis on a un développement exponentiel des publications scientifiques sur ce domaine et du développement de la communauté scientifique autour de ces questions, avec aujourd'hui outre les sujets plus théoriques sur les études de processus, les observations, tout aussi une communauté de recherche plus interdisciplinaire autour de ces questions de climat urbain et des impacts associés. Oui, du coup, c'est vraiment une recherche qui se fait à plusieurs échelles et en considérant plusieurs problèmes. Donc, j'imagine que c'est vraiment quelque chose de très pluridisciplinaire entre la mesure, la modélisation et tout ça. Au quotidien, vous faites appel à quelle science, entre guillemets, quand vous bossez sur ces sujets-là? Alors, effectivement, la ville, c'est un système qui est complexe. Donc, on peut difficilement se limiter à l'étude du climat urbain très rapidement si on veut vraiment arriver à modéliser le système de façon un petit peu réaliste et de prendre en compte les différentes interactions qui peuvent exister. On doit se rapprocher d'autres communautés scientifiques et d'autres chercheurs. Alors typiquement, en termes de vraiment sciences physiques et sciences environnementales, nous on va beaucoup collaboré avec des gens qui travaillent en hydrologie, par exemple, sur les questions de l'eau en ville. Un domaine qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est tout ce qui concerne l'énergétique du bâtiment. Alors, comme illustration, si on veut vraiment bien simuler la température de l'air qu'il va faire en ville, c'est difficile de ne pas prendre en compte l'impact des bâtiments et notamment, par exemple, l'usage de la climatisation. Donc, un bâtiment qui est climatisé va rejeter de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur et donc ça va potentiellement avoir un impact sur la température de l'air dans la rue. Donc, effectivement, si on veut vraiment pouvoir simuler au cours d'une canicule la température qu'il va faire dans la rue, on va être amené à prendre en compte ces interactions entre ce qui se passe dans le bâtiment et ce qui se passe dans la rue. Donc voilà, ça c'est un exemple de couplage de processus. Et après, on travaille aussi beaucoup avec des urbanistes, des architectes, puisque dès lors qu'on veut travailler sur l'aménagement des villes pour essayer d'atténuer les effets de l'îlot de chaleur urbain, ça nécessite d'avoir une connaissance aussi sur les pratiques architecturales, les stratégies de planification urbaine. Et puis après, bien sûr, aussi avec des sociologues, avec des géographes, des économistes pour tout ce qui concerne la prise en compte aussi de l'humain et des sciences humaines et sociales dans l'étude de la ville. Ok. Alors, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, là, mais je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on arrive à quantifier, par exemple, l'impact des climatiseurs en ville sur la chaleur urbaine, en termes de pourcentage ou de... Alors, on avait fait une étude là-dessus, c'était sur la région parisienne pendant un épisode de canicule et on avait testé différents scénarios sans clim, avec clim, quelle densité d'équipement clim et on pouvait observer quand même une augmentation de la température dans la rue qui pouvait atteindre 2 degrés. Au maximum hein, pendant un épisode de canicule. Donc c'est intéressant parce que quand on parle d'adaptation des villes, bon, il y a beaucoup de gens qui se disent l'été je mets ma clim pour pouvoir assurer mon propre confort dans mon bâtiment, mais effectivement les rejets de clim vont avoir un effet sur le microclimat extérieur, donc vont avoir tendance à réchauffer l'air extérieur, et donc non seulement ça va dégrader le confort des gens qui, eux, n'ont pas la chance d'être climatisés, mais en plus ça va encore accentuer les besoins en climatisation. Donc c'est une espèce de rétroaction, un effet de rétroaction positif qui est particulièrement qui peut avoir des conséquences particulièrement négatives en termes d'impact environnemental et aussi de consommation d'énergie. Ok, je suis contente de savoir qu'on peut vraiment estimer ce genre de modification, quoi, de valeur de modification, parce que c'est vrai, les gens ne pensent pas forcément que leur petite clim va changer quelque chose au milieu extérieur. Ouais, après, bon, c'est... Au niveau des messages, c'est toujours difficile de dire aux gens, bon, faut pas vous climatiser parce que voilà, de culpabiliser les gens, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir en tête que de connaître l'impact de ce type de levier d'adaptation, on va dire, et puis d'essayer en contrepartie de réfléchir à d'autres leviers qui permettraient au moins de limiter l'usage de la climatisation. Ouais. Alors, du coup, quand tu dis que vous faites ce genre de mesures et d'études, ça me fait me demander, et je profite qu'on t'ait et que tu fasses de la recherche concrète sur le sujet pour te poser la question, chez toi, ça ressemble à quoi une journée de labo concrètement et avec quels outils vous travaillez au quotidien pour faire ce genre d'études, quoi ? Les outils principaux qu'on utilise, c'est vraiment la modélisation numérique. C'est vraiment le développement de codes de calcul qui nous permettent d'essayer de représenter avec le plus de raffinement possible les processus. À Météo France, au CNRM, on travaille à partir d'un modèle de climat urbain qui s'appelle le modèle TEB. On appelle ça un modèle de canopée urbaine. C'est un joli nom. La canopée urbaine, c'est la zone qui se situe entre la surface et le sommet des bâtiments. Donc c'est toute cette couche là qui contient à la fois les éléments urbains et puis l'air ambiant. Pour la petite histoire, on parle de canopée urbaine parce que finalement la science en climat urbain, elle s'est pas mal inspirée de ce qui se faisait sur les canopées forestières, parce que finalement l'effet des arbres sur l'atmosphère, ça peut se rapprocher un peu de l'effet des bâtiments. Ah, j'allais te poser la question si le terme canopée s'était pris de là ou pas. Ouais. Voilà, ouais. Donc j'aime bien ce terme. Et finalement, donc ces modèles, ce modèle-là, il sert à représenter ce qui se passe dans cette fameuse canopée urbaine, à simuler les effets, modéliser les, enfin, en tout cas, prévoir les paramètres météorologiques dans l'environnement urbain, donc typiquement la température de l'air dans la rue, le vent, l'humidité, donc toutes les conditions auxquelles sont soumises les habitants. Donc on travaille sur ces modèles-là et aussi sur leur rétroaction sur les modèles météo, sachant que les conditions météorologiques vont avoir un impact sur le climat des villes, mais inversement, l'effet des villes peut aussi avoir une influence sur la météorologie. Donc on travaille sur ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment les principales activités, c'est la modélisation. Et puis après, de façon plus ponctuelle, on fait aussi de l'observation en milieu urbain. Donc on s'amuse à aller collecter des mesures, collecter des données en ville, des paramètres météo. Donc ça va être plutôt dans le cadre de campagnes de mesures qu'on va organiser de façon plus ponctuelle pour étudier pour un objet d'étude plus spécifique. Et ça demande quand même la mise en œuvre de systèmes d'observation un peu particuliers. C'est toujours... Et ces observations et ces campagnes de mesures, j'imagine que ça doit être lourd en termes du nombre de mesures que vous devez faire. Est-ce que vous faites appel du coup à des bases de données disponibles de mesures, ou est-ce que vous vous basez sur des collectages de données qui viennent de chez les gens, par exemple, ou de... Alors, il y a plusieurs stratégies. Hein. Jusqu'à présent, on mettait en place nos propres systèmes d'observation en ville, parce que bon, les systèmes de... Tout à l'heure, on parlait du réseau d'observation de Météo France. Hein. Il existe effectivement tout un réseau de stations météo qui sont situées sur tout le territoire. Malheureusement, ces stations météo, elles sont installées avec un protocole bien défini et des normes d'installation qui font qu'elles sont dans des environnements très dégagés, sur des zones de pelouse. Et donc, typiquement, c'est pas du tout adapté à ce que nous, on va observer, puisque nous, justement, on va observer ce qui se passe dans la ville. Donc là, ça va nécessiter de mettre en œuvre vraiment des capteurs dans la rue, dans des lieux particuliers, pour vraiment observer les effets qu'on souhaite observer. Donc c'est pour ça que c'est assez contraignant, ça nécessite des systèmes d'observation vraiment spécifiques. Alors après, il y a des choses assez rigolotes qu'on peut s'amuser à faire en ville. On fait pas mal d'observations mobiles, on peut instrumenter des véhicules, prendre des mesures en roulant, on a même fait ça à vélo par exemple. Et puis après là, il y a toute une nouvelle... tout un nouveau pan de recherche qui s'ouvre aussi avec l'exploitation de tout ce qui est crowdsourcing, donc toutes les données participatives. Et là, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire, parce que finalement, on a à notre disposition tout un réseau de nouvelles observations qui sont collectées par des stations citoyennes. Donc typiquement, il y a un réseau qui s'appelle Netatmo, qui sont des petites stations météo que les gens peuvent acheter dans le commerce et installent chez eux. Et donc, on peut récupérer, donc la société Netatmo récupère les données. Donc, il existe un site sur lequel on peut visualiser des cartes avec toutes les températures collectées en temps réel par les habitants. Et donc, ça donne vraiment une vision assez intéressante de la densité de ce réseau. Alors bien sûr, c'est des stations qui sont pas des stations pro, donc il va y avoir des défauts liés à la précision des données ou à la façon dont les gens installent des capteurs. Mais par contre, il y a une telle densité de données que ça offre des opportunités vraiment intéressantes de compléter ce que nous, on peut faire en recherche avec d'autres systèmes d'observation plus coûteux et plus difficiles à mettre en œuvre. Et donc ça, ces stations-là que tu achètes, elles envoient automatiquement les données Oui. C'est ça. Oui, ça doit être configuré donc les utilisateurs peuvent faire le choix d'envoyer leurs données. Okay. Et elles sont collectées dans la base de données. Est-ce que tu sais ce que ça représente en termes de nombre de stations disponibles et en termes de... Ouais, j'ai plus en tête le nombre de stations, mais ouais, la densité est énorme, essentiellement dans les zones urbaines. Hein, c'est là que ça devient intéressant pour nous. C'est okay, que, ouais. Donc c'est surtout dans les zones urbaines qu'on a des stations. Et en particulier en Europe, il y a vraiment une grosse couverture sur les villes européennes. Donc c'est vraiment de nouveaux types d'observations qui nous permettent, nous, d'avoir accès à une cartographie assez précise de la température qu'il peut faire dans la ville. Donc, on peut vraiment arriver, à partir de ces réseaux-là, à voir la variabilité qu'on peut avoir selon les types de quartiers, par exemple. Okay. J'imagine qu'il y a des stations qui ne doivent pas être très bien placées. Je pense à l'exemple des thermomètres de pharmacie qui, en été, t'indiquent 55 degrés, oui. Parce que je ne sais pas où ils sont placés. Mais du coup, est-ce que vous arrivez du coup à faire le tri des vraies mesures et Ah oui, forcément, il y a ce type de données. Le problème, c'est de savoir où les gens les installent. Il y en a qui vont les installer dans leur garage, donc forcément, de suite, c'est moins intéressant. Mais en fait, il y a tout un travail d'analyse statistique qui doit être fait sur ce type de données pour arriver à faire un contrôle qualité sur la donnée et du coup à ne conserver que les données que l'on juge de qualité. Et la densité est tellement importante que malgré tout, malgré le tri qui est vraiment drastique, on peut arriver à avoir une cartographie qui reste tout à fait pertinente. Ok. Et est-ce que c'est assez fin pour fonctionner aussi par quartier dans les villes et tout ? Alors, je pense que c'est difficile de conclure complètement là-dessus parce qu'il y a encore des recherches en cours. Mm-hmm. On peut arriver, je pense, à avoir une distinction du microclimat selon les différentes typologies urbaines, selon des grands quartiers. Alors, si tu veux, en termes de résolution, je dirais peut-être quelques centaines de mètres, un maillage peut-être de l'ordre de 500 mètres qui nous permet de voir sur une ville la différence. C'est pas mal quand même. Ouais, non, c'est... Juste quand tu dis typologie urbaine, ça fait référence à quoi ? Je veux dire... que finalement le microclimat urbain va varier en fonction des caractéristiques du paysage urbain, du tissu urbain, okay, si tu veux, ouais. Des quartiers, donc de la densité urbaine, de l'occupation du sol, du fait qu'il y ait ou pas de la végétation. Et donc finalement, au sein d'un quartier, on peut vraiment arriver par une analyse un peu géographique des caractéristiques de surface à qualifier les différents types de quartiers qui composent la ville. Ouais. En distinguant, je ne sais pas, par exemple sur Paris, on va pouvoir distinguer le centre haussmannien de quartiers plus périphériques, plus résidentiels. Et donc, on voit vraiment, il y a vraiment une corrélation sur la signature de l'îlot de chaleur entre la densité urbaine, donc les types de quartiers, et puis la réponse en température. Ok. Et est-ce que tu as, juste pour donner une idée, une fourchette de température entre... un quartier urbanisé des années 80, par exemple, avec des grosses barres d'immeubles et une zone arborée, par exemple, un parc. Alors, la variabilité de la température, il faut voir qu'elle va évoluer d'un jour à l'autre. Ça va vraiment dépendre des conditions météorologiques locales, si tu veux, sur la ville. Et donc... Le phénomène d'îlot de chaleur urbain, le fait que la ville va se réchauffer au cours de la nuit par rapport à la campagne, ce phénomène est particulièrement amplifié quand on est dans des conditions météorologiques très ensoleillées, avec peu de vent. Donc typiquement, en conditions de canicule, c'est là qu'on va avoir les îlots de chaleur urbains les plus marqués. Donc ces contrastes de température, pendant une canicule, ça peut atteindre... à l'échelle d'une ville entière, hein, on peut avoir un îlot de chaleur urbain qui atteint 6 à 8 degrés, c'est-à-dire le centre-ville va être 8 degrés plus chaud que la campagne qui est autour. Et au sein même d'une ville, on peut avoir plusieurs degrés de différence. Hein. On peut avoir 2 degrés de différence entre un centre urbain dense et des quartiers plus périurbains avec de la végétation. Ouais, c'est dingue cette variabilité. Et c'est vraiment au cours de la nuit que cette différence se fait ressentir. Ouais. Parce que la nuit, du coup, toute la chaleur emmagasinée est restituée, c'est ça, par les bâtiments ? Voilà. En fait, pendant la journée, toutes les infrastructures urbaines reçoivent de l'énergie par le soleil et donc emmagasinent la chaleur. Et c'est au cours de la nuit que toute cette chaleur va être restituée vers l'air ambiant et c'est là que finalement on va observer les plus fortes différences de température. En journée finalement, comme on a des conditions qui sont plus turbulentes, l'air va se mélanger plus efficacement et donc finalement les différences de température vont s'estomper. Mais par contre au cours de la nuit, là on a vraiment des contrastes très marqués liés à la restitution de la chaleur par les bâtiments. Donc ça, j'imagine que vous avez des chiffres très précis quand même de quel matériau emmagasine plus de chaleur qu'un autre, etc. Est-ce que vous prenez ça en compte dans vos modélisations Oui, alors effectivement, ce qui va jouer, ça va être les propriétés des matériaux. Alors à la fois les propriétés de surface qui vont favoriser ou pas la réflexion du rayonnement qui est reçu. Donc c'est-à-dire quand on est sur des matériaux qui ont des capacités de réflexion importantes, donc, par exemple des toits qui sont clairs, finalement le rayonnement qui va être reçu par la surface va être renvoyé en partie vers l'atmosphère. Donc finalement, les surfaces vont stocker moins de rayonnement, moins d'énergie par rapport à des surfaces plus sombres. Par exemple, l'asphalte est sombre, donc l'asphalte va avoir tendance à stocker plus de chaleur. Et donc effectivement, quand on marche sur une route le soir, on sent que la route reste chaude. Ouais. Voilà, donc ça, on le prend en compte dans les modèles. Alors nous, avec nos modèles météo, on est sur des approches qui sont moins raffinées que, y a, par exemple, des modèles en architecture où là, la modélisation va se faire à très très fine échelle, où on va être capable de modéliser chaque surface de façon indépendante au sein d'un quartier. Mais effectivement, c'est le même principe. On tient compte des propriétés radiatives et des propriétés thermiques des matériaux, et donc des processus de stockage de chaleur qui vont différer d'un type de matériau à l'autre et d'un bâtiment à l'autre. Ok. Donc, toutes ces données que vous collectez à la fois de température, à la fois de géolocalisation dans la ville, qu'est-ce que ça apporte du coup dans vos méthodologies de recherche et qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire avec ça? Alors, si déjà on comprend bien et on arrive bien à représenter les processus tels qu'ils se mettent en place aujourd'hui sur les villes actuelles, on peut espérer ensuite faire des études de scénario. Et donc, déjà en comparant différents quartiers et en comprenant quel est le comportement énergétique et microclimatique de chaque quartier, on peut arriver à voir si il y a des typologies de quartiers, des aménagements particuliers qui peuvent être préférables par rapport à d'autres en termes de conditions microclimatiques locales. Et puis ensuite, avec nos modèles, on peut jouer avec les paramètres des modèles pour essayer de simuler des scénarios. Donc on peut peindre des bâtiments en blanc, on peut rajouter de la végétation dans la rue, on peut modifier les propriétés d'isolation des bâtiments, et puis voilà, modéliser tout ça et à la fin regarder quelle est la réponse du modèle en termes de confort thermique, de consommation d'énergie, etc. Et donc essayer d'apporter finalement des données quantifiées pour les gens qui veulent faire de l'aménagement urbain ou de la requalification urbaine. Vous arrivez presque à faire des fausses villes climat simulator pour voir les effets de tel ou tel choix d'urbanisme. C'est un peu ça, ouais. Okay. Dit comme ça, ça paraît. Ouais, mais oui, on se rapproche de ça, c'est ce qu'on essaie de faire, ouais. Ok. Et alors du coup, est-ce que ce genre de données et les résultats que vous avez eus, peut-être que tu pourras détailler un peu les sujets précis ou les choses que vous avez conclues déjà avec ce genre de modèle, est-ce que ça a permis déjà de lancer des chantiers ou de créer des directions dans les choix d'urbanisme à Toulouse ou ailleurs, ce genre de données? Ça commence. Alors au début, c'était vraiment nos études étaient vraiment orientées recherche, mais au fur et à mesure des projets, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir collaborer de plus en plus avec des agences d'urbanisme, des collectivités locales, et donc on va de plus en plus vers des résultats concrets. Alors on peut citer dans les premiers travaux qu'on avait démarrés en partenariat, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites avec la ville de Paris, mm-hmm. qui était assez investie, assez intéressée par les problématiques d'adaptation, et notamment un projet qui s'appelait Epicéa, qui a été financé par la ville de Paris dans le cadre de son plan climat, où on avait testé différents leviers d'action pour aménager Paris intramuros. Alors on avait testé la végétalisation, on avait testé les matériaux réfléchissants sur les murs et les toits, et aussi on avait testé un scénario un peu plus original qui consistait à arroser les chaussées, en période de canicule. Et donc tout ça nous avait permis de quantifier l'effet des différents leviers d'action, chacun pris séparément, puis en les combinant et regarder qu'est-ce qui pouvait être le plus efficace. Et alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ces scénarios-là, c'est pas nous qui les avions inventés, on les avait justement conçus avec la participation de la ville de Paris. Donc, ils étaient vraiment partie prenante dans le projet. Et puis, suite à ces travaux-là, ils ont eux-mêmes mis en place des expérimentations dans Paris pour tester l'arrosage des chaussées et vraiment faire des mesures pour voir quel pouvait être l'effet de rafraîchissement qui était observé en conditions de canicule. Donc ça, c'était vraiment le premier projet de ce type. Et depuis, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Et il y a un projet là qui s'est achevé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le projet MAPUS, un projet de recherche, qui a impliqué des agences d'Urba. Et vraiment, l'idée, là, c'était d'aller vers des diagnostics un peu systématiques sur l'ensemble des villes françaises pour évaluer déjà l'intensité des îlots de chaleur urbains existants et aussi les consommations d'énergie des villes sous différentes conditions météo. Et donc, l'objectif du projet, c'était quand même d'arriver, à partir de nos outils de recherche, à produire des cartographies qui soient vraiment utilisables par les collectivités pour pouvoir faire leur choix dans les plans d'urbanisme de leur ville. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les collectivités, elles ont des compétences en urbanisme, mais elles ont aussi des missions sur la prévention des risques environnementaux, etc. Et donc, elles doivent vraiment intégrer la question, cette question environnementale et cette question climatique dans leur dans la conception de leur plan d'aménagement. Et donc, la plupart du temps, elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour pouvoir évaluer ce type d'aspect. Et donc, nous, on essaye aujourd'hui d'aller vers une mise à disposition de données pour que ça puisse alimenter leurs réflexions et puis ça puisse leur fournir des données vraiment quantifiées et sous forme de cartes qui leur permettent de voir où sont les zones les plus vulnérables dans la ville, etc. Donc, vos résultats, pour l'instant, font plus office de conseils que de directives officielles. C'est pas appliqué comme ça, quoi. C'est vraiment, vous essayez de mettre de l'information à disposition pour que les gens fassent des choix urbains. On est plutôt dans cette démarche-là, je dirais, mettre à disposition le maximum d'informations et adapter au maximum l'information pour qu'elle soit compréhensible et utilisable. Mmh. Fournir des données aussi qui peuvent ensuite être utilisées par d'autres, soit d'autres chercheurs derrière, ou ça peut être des chercheurs ou des laboratoires pour faire d'autres études d'impact qui peuvent être alimentées par des données météo. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis aussi multiplier les communications autour de nos résultats. Ouais. Pour faire connaître un petit peu les grandes lignes de. Enfin voilà, c'est à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, dans quelle direction il faut aller. Après, je dirais que chaque ville a sa particularité, donc c'est difficile de généraliser les résultats qu'on va obtenir sur une ville à un autre territoire, parce qu'il y a toujours des spécificités locales liées à la ville, liées à l'environnement géographique. Mais on essaie au maximum de diffuser des résultats sur les idées essentielles sur les choix à faire et les choses à ne pas faire pour essayer de limiter au maximum les risques. Et donc, quand tu dis que vous essayez de multiplier les communications autour de vos travaux de recherche, ça prend quelle forme, par exemple ? Alors, lorsqu'on fait des projets de recherche, il y a, je pense, aujourd'hui systématiquement un volet communication et puis en fin de projet au moins une restitution du projet sous forme de, non pas d'un colloque purement scientifique, mais plutôt d'un colloque grand public ouvert aux acteurs de l'aménagement urbain. Donc ça, il y a quand même un effort qui est fait sur ça, et puis diffuser des documents sous forme de rapports synthétiques, de fiches de synthèse, des choses qui peuvent être faites aussi en partenariat avec des agences d'urbanisme. Donc, typiquement, par exemple, sur les bénéfices de la végétalisation en ville, on avait travaillé avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France pour faire une fiche synthétique donc qui vraiment reprenait les principaux résultats qu'on avait obtenus, mais sous forme très vulgarisée et qui est aujourd'hui en ligne et accessible pour le grand public ou pour des collectivités locales. Donc il y a ce type de support, et ça peut être aussi des petites vidéos pour communiquer, essayer. Bon, alors après, c'est une démarche qui prend du temps. Oui. On n'est pas forcément spécialiste et toujours formé sur ça, mais on essaie de le faire autant que possible. Ouais. Après, on est sollicité très régulièrement aussi pour participer à des conférences, on essaie d'y répondre autant que possible. Il y a des podcasts. Voilà, exactement. Non, mais bon, ça fait partie de, oui, ça fait partie de la démarche et je pense que c'est essentiel hein, quand on travaille sur ce type de thématique. Ouais, et là, en ce moment, est-ce que chaque institut ou chaque groupe de recherche a ses propres initiatives ou est-ce que tu sais s'il y a des sites qui compilent justement ces ressources pour le grand public à partager On pourrait peut-être en mettre certaines dans les notes d'émission après l'émission. Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Je ne connais pas de site qui regroupe ou qui fasse une synthèse de ça, en tout cas dans notre domaine à nous. Mais effectivement, ça, ouais, ça pourrait être. Hein. Tu nous donnes des idées. Oui, oui. Oui, bah ce serait le genre de choses qui intéresserait des gens, je pense, d'avoir accès vraiment à une sorte de base de données vulgarisée des enjeux et des, ouais, et des résultats de recherche. Mais voilà, en tout cas, si tu en as quelques-unes à nous envoyer après l'émission, on pourra les mettre en note pour ceux qui écoutent le podcast en différé. Ouais. Ok. Et alors, du coup, est-ce que vous travaillez beaucoup en collaboration avec justement d'autres... Enfin, tu parlais de collaboration avec des institutions locales. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, de projets concrets que vous avez faits à Toulouse ou ailleurs et qui ont débouché du coup sur des décisions concrètes dans la ville? Alors, je pense que le projet qui a mené à des décisions concrètes, ça a été plutôt sur la ville de Paris avec les travaux exploratoires après qui ont été faits sur l'arrosage des chaussées. Aujourd'hui, à Toulouse, on a des... Ah si, quand même, je peux citer un projet à Toulouse. Alors, il y a deux projets à Toulouse là qui ont été mis en œuvre et où la ville a été impliquée. Il y a un projet qui était sur la qualité environnementale en milieu urbain. Alors, je peux en dire deux mots, c'est assez original. C'est un travail vraiment très, très interdisciplinaire qu'on a fait avec des sociologues, avec des acousticiens, avec des chercheurs en chimie de l'atmosphère. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment peut-on qualifier la qualité environnementale du cadre de vie en ville ? Finalement, à partir de... Enfin, sur quels critères vont se baser les scientifiques pour qualifier la qualité environnementale, les aménageurs et les habitants. Et donc, on a fait tout un volet expérimental où on est allé faire des mesures de paramètres météo, de paramètres acoustiques et de qualité de l'air dans différents quartiers. Et en parallèle, on a interrogé les gens sur leur perception du cadre de vie, de différentes dimensions, comment est-ce qu'ils percevaient le confort climatique dans les différents lieux dans lesquels ils se baladaient, comment ils percevaient l'ambiance acoustique, etc. Et donc, au final, ce projet nous a amené à développer un guide méthodologique de diagnostic de la qualité environnementale des quartiers. L'idée étant de fournir ce guide aux agences en charge de la requalification urbaine pour qu'ils puissent intégrer dans leur projet de requalification une approche plus participative, déjà, en intégrant la participation des habitants dans l'évaluation du cadre de vie, et basée aussi sur de la mesure. Alors, on avait imaginé tout un système, un protocole simplifié pour que ce type de diagnostic puisse être fait non pas par des scientifiques, mais vraiment par les habitants et par les professionnels de l'aménagement urbain. Donc ça, aujourd'hui, il y a un guide qui a été formalisé et qui est mis à disposition. Alors, on espère que ça sera utilisé, hein, parce que ça veut dire qu'il faut que les aménageurs modifient aussi leurs pratiques pour intégrer ce genre de dimension. Et bon, ça implique un investissement. Donc ça, c'est un premier projet. Un deuxième projet sur Toulouse, aussi, dont je voulais parler, c'est la mise en place d'un système d'observation, d'un réseau d'observation sur Toulouse, de stations météo. Alors ça, c'est vraiment une collaboration avec Toulouse Métropole pour mettre en place des stations éparpillées sur toute l'aire urbaine pour vraiment avoir un monitoring du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Et donc d'installer ce réseau de façon pérenne. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Il y a très peu de réseaux aujourd'hui d'observation en France de l'îlot de chaleur urbain. Et là, l'originalité sur Toulouse, c'est que c'est vraiment la métropole qui prend en charge l'installation et surtout la maintenance et le suivi du réseau. Parce que l'idée, c'est vraiment pas que ce soit les chercheurs qui fassent... Les chercheurs sont là pour aider, Mais l'idée, c'est vraiment qu'ensuite, ce soit les villes, les collectivités qui mettent en place et exploitent leur propre réseau d'observation, alors à une fin de suivi, de communication auprès des habitants, sensibilisation. Enfin voilà, on peut imaginer derrière tout un tas d'applications à ce type de réseau. Ok. Et enfin des gros projets d'urbanisme. Alors je pense à un exemple connu, mais j'en connais pas des masses. Mais par exemple la coulée verte de Nice, qui est assez emblématique quand il y a des gros travaux de revégétalisation des villes, d'introduire plus d'arbres, des zones arborées. Est-ce que c'est des comment dire, est-ce que c'est des décisions qui sont prises plus parce que c'est dans l'air du temps et qu'on prend plus en compte le confort matériel des gens, ou est-ce que c'est des trucs qui sont vraiment motivés par ce genre de résultats sur les îlots de chaleur urbaine pour limiter la casse, quoi? Alors, je pense que parmi ces projets de réaménagement, il n'y a pas systématiquement une évaluation scientifique et quantifiée des effets. Mais ça a été fait dans certains cas. À Marseille, par exemple, il y a eu tout le réaménagement d'un quartier en bord de mer. Et il y a vraiment eu des exercices de modélisation qui ont été faits pour vraiment évaluer quels allaient être les impacts potentiels de ce réaménagement et essayer d'optimiser les choix de réaménagement. Donc ça, il y a vraiment... les collectivités sont déjà sensibilisées à ces sujets, elles sont déjà interpellées par ces problématiques et nous, on est très souvent sollicités pour ce type d'études. Alors après, toutes les collectivités n'ont pas toujours les moyens de faire ce genre d'études, hein, il faut bien dire que ça a aussi un coût. Et puis nous, en tant que labo de recherche, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Alors après, il y a aussi à Météo France... un département qui s'occupe de faire des études d'impact aussi, donc de façon un peu plus opérationnelle. C'est vrai que, il y a vraiment quand même une demande et une sensibilisation des collectivités sur ces problématiques. Ça, c'est peut-être un point intéressant que tu soulèves, c'est-à-dire que ton labo a à la fois une activité de recherche où vous proposez des projets et aussi une activité de... comme un bureau d'études où vous répondez... Comme un bureau d'études, hein, tout à fait, ouais. Ok. Tout à fait, on répond à des demandes. Alors, l'idée, c'est que nous, les développements et tous les travaux qu'on fait en recherche, on essaie après de pouvoir les transférer sous une forme un peu plus opérationnalisable pour être utilisés de façon plus systématique sur différents types d'études. Donc on peut imaginer, en gros, une plateforme de modélisation un peu plus presse-bouton qu'on pourrait tester sur différentes villes pour tester différents types d'aménagements. Ouais, d'accord. Alors, il y a une question de Niv dans la chatroom, un auditeur. Il dit qu'il a entendu qu'il y avait pas mal de projets de toits verts, de jardins sur toit à Montréal et à Québec. Et est-ce que tu as des informations sur ce genre d'initiative? Alors, les toitures végétalisées, c'est des infrastructures qui se développent de plus en plus. Donc, par rapport aux études qu'on a pu faire, nous, sur ce type de système aujourd'hui, en tout cas sur les aspects vraiment amélioration de la température au niveau de la rue et donc atténuation du phénomène d'îlot de chaleur urbain, on n'a pas vu d'effet très sensible des toitures végétalisées à ce jour sur nos études. Malgré tout, les toitures végétalisées ont un effet d'amélioration du confort dans les bâtiments parce que finalement, la toiture va avoir un rôle d'isolation du bâtiment. Donc, ça va améliorer les performances énergétiques des bâtiments et ça va améliorer les conditions de confort à l'intérieur. Et puis après, autre point positif, les toitures végétalisées, ça peut avoir un impact sur la gestion de l'eau de pluie. Il y a une capacité de rétention d'eau par les toitures. Plus généralement, il peut y avoir des effets positifs aussi en termes d'ambiance architecturale. C'est aussi plus agréable d'avoir des toitures végétalisées, tout simplement, que d'avoir des toits bétonnés. Et ça, c'est aussi... c'est tout ce qu'on appelle les services écosystémiques de la végétation, c'est-à-dire tous les bénéfices multiples que peut apporter la végétation en ville, avec pas seulement les aspects environnementaux, il y a plein d'autres bénéfices. Alors, il y a Dawn dans la chatroom qui demande aussi s'il n'y a pas un certain nombre de biais et de facteurs de confusion sur ces études de solutions. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme biais qui vous empêche de tirer des conclusions exploitables, quoi, sur qu'est-ce qui est bien à faire dans tel quartier ou... J'extrapole peut-être le sens de la question, mais je l'interprète comme ça. Comme biais. Alors là, j'ai un peu de mal à... Qu'est-ce qu'on peut identifier comme biais ? Ben, en fait, je pense que... Voilà, la difficulté, après, c'est peut-être qu'on n'a pas aujourd'hui tous les outils et tout le niveau de raffinement dans nos modèles pour arriver à assimiler de façon parfaite ces différentes solutions. Et puis aussi, il y a vraiment toute la difficulté d'évaluer de façon objective toutes ces stratégies d'aménagement, c'est que finalement, il y a des rétroactions très complexes sur plein de... d'éléments en ville. Donc nous on peut évaluer certaines stratégies sous le biais de la température, de l'îlot de chaleur, éventuellement de la consommation d'énergie, de la ressource en eau, et après il va y avoir plein d'autres éléments qui vont rentrer en jeu qui peuvent être liés aux émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent être liés à tout un tas d'autres impacts à la qualité de l'air. Il y a tellement d'éléments qui entrent en interaction en milieu urbain, que c'est toujours compliqué d'arriver à tenir compte de tous les effets et à évaluer de façon complètement intégrée les stratégies qu'on étudie. Oui, c'est pas comme on ferait dans une expérience vraiment expérimentale où on enlève à chaque fois un paramètre. Là, on observe tous les paramètres en même temps et c'est difficile de les isoler les uns des autres. Alors, il y a déjà ça, et puis il y a aussi simplement que nos outils ont des limites. Hein. Ouais. C'est des briques qu'on assemble pour arriver à prendre en compte la complexité du système urbain. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a le climat, on a les bâtiments pour l'énergétique du bâtiment, on essaie de représenter l'hydrologie, mais finalement, il nous manque toujours des briques pour arriver à le représenter de façon complètement réaliste. Et après, il y a parfois des effets antagonistes sur certains aspects, puisque typiquement sur la façon de construire les villes et la densité urbaine, on sait, nous, en climat urbain, qu'aller vers des villes très denses, c'est pas positif d'un point de vue îlot de chaleur urbain, parce que plus la ville est dense et compacte, plus l'îlot de chaleur urbain va être important. Et en contrepartie, aujourd'hui, on sait que pour les politiques d'adaptation par rapport au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, on sait que c'est préférable d'aller vers des villes moins étendues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que là, on se retrouve sur deux stratégies qui s'opposent quand on compare les effets du changement climatique et les effets du climat urbain. Alors ça, c'est un truc qui m'interpelle au quotidien. C'est vrai que quand on observe les choix d'urbanisme, j'ai l'exemple de Strasbourg parce que je vis à Strasbourg, on a l'impression qu'on est sur une course effrénée à agrandir encore la ville, que tous les nouveaux bâtiments sont pleins de baies vitrées et de trucs un peu contre-intuitifs à faire en urbanisme quand on pense à ces questions d'îlots de chaleur, préserver... faire des économies d'énergie, tout ça. Du coup, je me pose vraiment la question, est-ce que vos résultats qui arrivent depuis quelques années quand même sont réellement pris en compte, et pourquoi il n'y a pas de directive un peu plus drastique sur les changements en termes d'urbanisme à faire pour limiter les dégâts sur les îlots de chaleur et compagnie, quoi. Je dirais qu'au niveau vraiment de la planification urbaine par les villes et les collectivités locales, c'est vraiment aujourd'hui, c'est intégré dans les... Ça fait partie en fait des directives quand même et des mesures qui doivent être prises par les villes. Donc ils doivent vraiment prendre en compte ces questions climatiques et ces questions de risques environnementaux et d'atténuation et d'adaptation, enfin les questions d'atténuation et d'adaptation dans leur politique. Donc ça, je pense que le fait de limiter l'artificialisation en outrance, de préserver la nature en ville, c'est des choses qui commencent vraiment à être prises en compte. Mmh. Après, au niveau de l'architecture et des bâtiments, effectivement, pas toujours. C'est encore une autre échelle de travail, de travailler sur le bâti pour prendre en compte cette question du climat. Et là, il y a quand même des architectes et des urbanistes qui traitent ces questions-là. Ils n'ont pas toujours ensuite les données adaptées pour aujourd'hui pour anticiper les effets à venir du climat urbain, du changement climatique couplé au climat urbain, c'est-à-dire le concevoir des bâtiments qui puissent faire face finalement aux tendances à venir sur le réchauffement en ville. Ça, c'est aussi parfois un manque de données à disposition pour faire ce type d'études qu'on essaie aujourd'hui de... Parce que, enfin, même pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances en climat ou sur les effets du changement climatique, ça paraît vraiment contre-intuitif de faire un gigantesque dôme de verre. Oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a des, il y a aujourd'hui encore des constructions qui sont pas adaptées. Mais ça, c'est plus de la planification urbaine, comme tu disais, c'est une autre échelle, c'est des choix esthétiques et architecturaux de l'architecte. Donc, il y a aussi une sensibilisation à faire dans le métier de l'architecture. Oui. Et est-ce que, enfin, actuellement, est-ce qu'on a des matériaux et des options qui soient abordables financièrement et qui permettent d'enrayer un peu cet effet d'îlot de chaleur? Est-ce qu'on a déjà des solutions concrètes à mettre en œuvre? Alors, je pense que je pourrais pas donner peut-être trop de détails sur ça, qui est pas forcément ma spécialité sur les techniques de bâtiment. Mm-hmm. Après, il y a effectivement des recherches qui sont faites sur des nouveaux matériaux des performances énergétiques plus efficaces. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle les cool roofs, par exemple, donc avec des propriétés des toits qui permettent de limiter le stockage du rayonnement par les infrastructures. Donc, il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et après, en termes de coûts, ça, je ne saurais pas répondre aujourd'hui sur ce que ça coûte de mettre en place ce type de matériaux. En début d'émission, tu disais que le phénomène d'îlot de chaleur, réchauffement climatique ou pas, on le sentait de toute façon, avec la différence de température en ville par rapport à la campagne. Mais du coup, avec le réchauffement global prévu, l'enjeu, du coup, ce serait aussi de savoir comment est-ce qu'on s'adapte dans les villes pour souffrir le moins possible de ce réchauffement. Est-ce que vous arrivez à quantifier déjà l'effet qu'il va y avoir en ville sur des modèles de changement de température de, je sais pas, 1,5 degré, 2 degrés en plus? Oui, alors en fait, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est vraiment de prendre en compte les deux effets couplés. Mmh. Parce que bon, c'est pas forcément. On sait que ça va pas forcément évoluer de façon linéaire. Hein, donc, alors, ce qu'on essaie de faire, il y a deux approches. C'est déjà les modèles de climat vont nous donner des informations sur l'évolution des occurrences d'événements extrêmes. Et donc, on sait que les canicules vont augmenter, elles vont éventuellement devenir. Enfin, les modèles s'accordent quand même pour nous dire qu'elles vont devenir plus intenses et plus longues. Donc déjà, on peut se baser sur des événements caniculaires passés on sait potentiellement, par exemple, les impacts qu'a pu avoir la canicule 2003. En fait, à partir d'une connaissance de l'évolution des occurrences de canicule, on peut faire des projections sur comment les conditions en ville vont pouvoir évoluer au cours de l'année. Et après, par contre, la tendance au réchauffement global, enfin l'évolution des tendances moyennes sur la température, sur les régimes de précipitation, tout ça, on peut aussi essayer de les prendre en compte dans nos modélisations. Mais aujourd'hui, alors ce qu'on a pu voir sur les résultats actuels, c'est qu'on n'a pas forcément une intensification du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Finalement, globalement, ça va se réchauffer, la ville ne va pas forcément se réchauffer plus que la campagne, parce qu'en fait, étant donné que le climat va globalement se réchauffer, on va aussi avoir des conditions plus sèches et plus chaudes en campagne, donc un sol qui s'assèche, et finalement une efficacité de la végétation à rafraîchir qui va être moindre. Et donc, la différence de température entre ville et campagne ne va pas forcément s'accentuer dans le futur. Ce que tu es en train de sous-entendre, c'est qu'à un moment, même les forêts ne nous sauveront pas de la chaleur, c'est ça? Bah, malheureusement, on parle beaucoup de stratégies de végétalisation et moi je suis, enfin voilà, c'est très bien de remettre la nature en ville et de la préserver, mais pour d'un point de vue microclimatique, pour pouvoir bénéficier du rôle de régulateur thermique de la végétation, il faut qu'elle puisse avoir de l'eau et qu'elle puisse transpirer. Et donc ça, c'est sûr que si on est en condition de canicule tous les étés, ça pose un problème sur la... Donc en gros, finalement, pour étudier l'évolution du climat urbain et notamment du phénomène d'îlots de chaleur urbain dans le futur, ce qui va compter, ça va être à la fois l'évolution des villes elles-mêmes, comment elles vont s'étendre, se densifier, comment les gens vont continuer à utiliser l'énergie en ville, ça aussi ça a un impact important, mais c'est aussi qu'est-ce qui va se passer autour des villes et dans l'environnement naturel. Si finalement on a une tendance au réchauffement global qui est très marquée, malgré toutes les stratégies d'atténuation qu'on pourra essayer de mettre en place en ville, ça sera compliqué d'arriver à réguler complètement le réchauffement. Ça, c'est sûr que les stratégies d'adaptation des villes sont indissociables de politiques globales d'atténuation du changement climatique. Ça, c'est... Ouais. Et alors, selon toi et selon les résultats que vous avez déjà pu observer et les expérimentations que vous avez déjà pu mener, quels sont les leviers, selon toi, sur lesquels on peut agir en premier pour limiter les îlots de chaleur urbains et les problèmes en ville comme ça ? Il y a plusieurs leviers et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs échelles d'action aussi pour pouvoir améliorer pour pouvoir aménager la ville. Donc il y a des tendances, des actions sur le long terme à envisager, donc qui sont des choix de planification urbaine, comment construire la ville de demain, donc vraiment maîtriser l'expansion urbaine et éventuellement aussi imaginer un aménagement du territoire qui soit plus bénéfique, par exemple implanter des ceintures vertes autour des villes. Donc ça, on sait qu'en implantant des ceintures vertes autour des villes, on peut arriver à rafraîchir les conditions dans la ville. Et ça, ce sont des politiques à planifier sur le long terme. Donc c'est vraiment une volonté de long terme à avoir. Et après, on peut imaginer aussi des actions plus locales au niveau des quartiers, au niveau des bâtiments, avec des choix sur les formes urbaines, sur l'implantation de végétation dans l'espace urbain. Alors, d'après les études qu'on peut voir dans la littérature et d'après ce que nous, on a pu étudier aussi, la végétation de pleine terre, donc mettre de l'herbe au sol et mettre des arbres, c'est assez efficace en termes de rafraîchissement urbain, donc... Comme on le disait tout à l'heure, si on a quand même de l'eau pour que la végétation transpire, les arbres aussi rajoutent un effet d'ombrage qui permet de rafraîchir aussi les conditions dans la rue. Donc c'est la végétalisation de pleine terre, par exemple, est plus efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'implantation de toitures végétalisées, d'après ce qu'on a pu voir. Et la présence de végétation mixte, c'est-à-dire des pelouses mais aussi des arbres, permet d'avoir une efficacité aussi plus importante puisqu'on cumule à la fois l'effet d'ombrage, à la fois l'effet de transpiration. Et en plus, les arbres permettent de mieux réguler les pertes en eau, donc c'est plus efficace. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Donc vraiment, la végétalisation et des sols perméables en ville sont un levier vraiment important. Et puis, un résultat intéressant aussi des recherches qu'on a pu observer, c'est que le rôle des habitants est aussi primordial dans l'efficacité de ces stratégies. C'est finalement les choix d'usage de l'énergie des gens est essentiel. Et donc, on a fait différents scénarios sur le rôle de la climatisation, les températures de consigne qu'on peut utiliser dans les bâtiments, etc. Et donc, on a pu voir que finalement, par rapport à toutes les technologies pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment, etc., juste les choix d'usage des gens chez eux, le fait qu'ils mettent leur clim à 26 plutôt qu'à 23, par exemple, a vraiment un impact énorme sur la consommation d'énergie de la ville et aussi sur la rétroaction sur le microclimat extérieur. Donc, en gros, il y a quand même une démarche à faire de sensibilisation et de prise de conscience générale, je pense, sur ce genre de choses. Mmh. Alors, il ne faut pas culpabiliser les gens. Hein, je pense que ça ne marche pas de culpabiliser les gens, mais en tout cas, faire passer les messages sur ces aspects-là, je pense que c'est important. C'est vrai que c'est un aspect important. Souvent, quand on parle de climat et d'actions qu'on peut avoir, les gens ont beaucoup l'impression de ne pas avoir d'impact à titre individuel et que du coup, c'est pas si grave de ne pas changer son comportement parce que on n'a pas d'impact. L'impact, c'est plus global, c'est les industries, etc. Mais c'est vrai que de mesurer que des comportements individuels ont vraiment un impact sur l'urbanisme, c'est quand même important quoi, ouais. comme données. Ça rend aussi peut-être un peu de... Comment dire, ça rend l'action aux gens, quoi. On ouais, peut, tout on à peut fait, faire ouais. quelque chose. Ouais, et sur tous ces leviers-là, à ton avis, dans quelles échelles de temps on peut espérer avoir des villes et des gens qui prennent en compte tout ça et sous quelle échelle de temps, peut-être c'est une question plus difficile, on doit pouvoir le mettre en place pour ne pas complètement mourir de chaud dans les prochaines années en ville. Assez compliqué. Joker. Non, trop obligé de répondre. Non, mais c'est difficile de répondre à cette question. Malheureusement, il est clair que les prises de décisions politiques, elles se font souvent sur des échelles de temps qui sont les échelles de temps des mandats. Mmh. Donc c'est toujours compliqué d'arriver à mettre en place des politiques de plus long terme sur l'aménagement du territoire et l'aménagement grande échelle. Donc ça, c'est vrai que c'est... Il y a des actions plus locales, plus ponctuelles qui sont mises en place, mais vraiment... une planification vraiment majeure, enfin voilà, des choix aussi ambitieux, bon, c'est beaucoup plus rare. Et puis, les aménageurs ont aussi beaucoup de mal, souvent, à se projeter sur des échelles de temps du changement climatique. Parce que, voilà, quand on parle de projection climatique et de réchauffement, on parle de la fin du siècle, on parle de 2100, et donc c'est vrai que souvent, ça leur parle pas, quoi, en termes d'échelle. Ouais. Donc, on a aussi notre rôle à jouer dans les messages qu'on fait passer et je pense que c'est important aussi de communiquer sur des échelles de temps plus courtes pour que ils puissent prendre plus conscience du rôle qu'ils peuvent avoir à jouer. Mais est-ce que tu sens que c'est possible? Enfin, je sais pas, quand vous sortez, que vous allez faire des communications, est-ce que vous avez l'impression que les gens prennent en compte vos résultats de façon à plus ou moins court terme, quoi? Ou est-ce que ça passe globalement au-dessus de la tête des gens en se disant qu'on fera ça plus tard? Non, je pense qu'on a vraiment une écoute de leur part et une demande de leur part. Donc je pense que oui, après, ils n'ont pas forcément toujours les moyens pour mettre en œuvre tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté. Et on voit des actions quand même sur les nouveaux quartiers qui se développent. Enfin voilà, il y a quand même une réflexion sur les choix d'aménagement. Après, est-ce que c'est suffisamment ambitieux? Ça, je pense que... Malheureusement. L'avenir le dira, c'est ça. Ok. Je ne sais pas si les autres membres de l'équipe ont des questions, mais il y a eu beaucoup de questions dans la chatroom. Moi, c'est surtout... j'ai l'impression qu'il y a quand même ça concerne beaucoup les décisions politiques, j'ai l'impression, tout ça, en fait. C'est surtout ce qui m'interpelle dans ces problèmes, c'est qu'il y a encore une fois... Des décisions politiques à prendre et qui sont, ça suit pas forcément l'envie du citoyen lambda, et je trouve que c'est, il me semble que c'est le plus gros problème actuellement, en fait. Je peux me tromper, mais oui, non, c'est sûr. Alors il y a les décisions politiques et puis aussi il y a les moyens qu'on donne aux collectivités locales pour mettre en place ce genre d'action, parce que il y a beaucoup de pression qui est mise finalement sur les collectivités locales. C'est à ce niveau, parce que bon, les décisions peuvent se prendre à différents niveaux, et c'est vrai que eux localement ils doivent les prendre en compte dans leur plan d'urbanisme et après voilà, est-ce qu'ils ont les expertises et les moyens pour le faire, hein. Donc peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait des à un niveau supérieur, hein, qui est... Mais je vois dans le bâtiment, il y a beaucoup de normes au point de vue lumière, etc. Et c'est vrai que peut-être que, encore une fois, je trouve que c'est à ce niveau-là que ça devrait commencer, en fait, pour inciter justement tous les gens à faire plus attention et à y penser d'une façon quotidienne. Ouais. Ouais, malheureusement, on ne résoudra pas le problème après ce podcast, je pense. Mais... enfin, l'essentiel, c'est que y a une prise de conscience. Enfin, si tu le vois, Aude, quand vous faites des communications, c'est... Oui, oui. Bah, y a une prise de conscience et je dis, on nous sollicite aussi pour ce genre d'études. Donc, c'est pas juste nous qui allons diffuser nos résultats vers les collectivités. On sent qu'il y a un besoin de données, d'informations. Parce que moi, j'ai l'impression que les architectes, par exemple, qui conçoivent des bâtiments, ils sont de plus en plus sensibilisés à ce genre de problème. Hein, mais je crois que c'est, encore une fois, les moyens financiers, les décisions politiques ne suivent pas forcément, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Bon, moi, j'arrive à la fin des questions que j'avais prévues pour toi, Aude. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour l'instant. Sinon, on a quelques questions qui ne sont pas directement liées forcément au climat, mais qui peut-être sont intéressantes quand même. Y a Evatrice dans la chatroom qui demande, est-ce que dans le futur, on pourra prédire plus à l'avance la météo ou est-ce qu'il y a une limite théorique infranchissable d'un ordre quelconque? C'est quoi le maximum pour une prédiction météo et un modèle? Ouh là là. Je ne sais pas si c'est dans ton domaine de compétence. Non, je ne saurais pas forcément répondre précisément. Après, une des limitations principales, c'est quand même la puissance de calcul des ordinateurs. On peut espérer qu'avec l'amélioration des puissances de calcul, nos modèles soient de plus en plus... précis, mais je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question, très honnêtement. Toujours Evatrice, je crois, dit dans la chatroom, il y a quelques années, on prévoyait de faire pleuvoir en mettant de la poussière sur les nuages pour contrôler la pluie et la météo, mais finalement, ça ne semble pas utilisé industriellement au quotidien. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est un vrai truc ? Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Alors ça, c'est de la géo-ingénierie, mettre en place essayer de modifier le climat par ce genre de stratégie. Alors oui, effectivement, je pense que ça a été testé, hein, c'est-à-dire qu'on envoie des particules, dans l'atmosphère qui permettent de créer des noyaux de condensation et ça fait pleuvoir. Après c'est toujours un peu dangereux de jouer avec ce genre de... c'est toujours... Il y a toujours des débats autour de ces questions-là sur la géo-ingénierie. Il y a des recherches qui sont menées là-dessus, mais c'est vrai que... C'est-à-dire que si on peut effectivement faire pleuvoir sur commande, entre guillemets, ça peut avoir des répercussions non planifié, c'est ça? Ça dépend ce qu'on envoie comme type de particules dans l'atmosphère après. Ouais. C'est ce qu'on... Voilà, il peut toujours y avoir des effets qu'on n'a pas forcément anticipés. Des dommages collatéraux, on appelle ça. Exactement, ouais. Donc, après, je ne connais pas trop les détails de ces techniques-là. Je me demandais si tu avais des infos. Enfin, malgré tout, oui, la géo-ingénierie, ce sont des choses qui sont explorées, notamment dans les sciences du climat. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça, à des stratégies grande échelle de géo-ingénierie. Moi, je trouve que ça fait peur. Hein. Ça veut dire qu'on va faire la pluie. Non, mais c'est vrai, ça veut dire qu'on va faire la pluie, le beau temps. Oui. On a l'impression qu'on joue un peu avec la nature, mais... Ok, alors autre question, complètement rien à voir, hein, mais on est en fin d'émission, donc on relaie les questions. du coup, il y a une question sur le métro. Y a-t-il des saisons dans le métro et quelle est la variabilité du climat à l'intérieur du métro? Alors, vu que ça rejoint un peu l'urbanisme, est-ce que tu as des données sur les températures dans le métro? Alors non, j'ai pas de données sur les températures. Après, effectivement, on parle beaucoup de l'îlot de chaleur urbain... en température de l'air, on va dire au niveau de la rue, mais il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain souterrain, c'est-à-dire les différences de température qu'on peut avoir entre un sous-sol urbain et un sous-sol autour de la ville. Donc il y a effectivement des différences de température qui s'observent. Alors après, est-ce que ça impacte le climat dans le métro? Je ne suis pas sûre. Est-ce que les bouches de métro à Paris impactent la température de la ville? Ah, ça pourrait tout à fait être sensible, oui. Ah oui, oui, je pense. Ah ben voilà, c'est un projet de recherche à mettre en place, je pense. Je n'ai pas mesuré cet effet-là, mais je pense qu'il suffit de se balader en ville pour sentir que potentiellement ça peut avoir un impact. Bah, comme la clim des magasins, hein, quand on passe dans les rues avec les magasins qui sont climatisés avec les portes grandes ouvertes. Oui. Ça, on le ressent, tout le monde le ressent, cet effet-là. Mais d'ailleurs, dans les recherches qui sont faites en climat urbain, on peut voir des distinctions entre les jours ouvrés et les jours non ouvrés, qui sont liés aux activités humaines. Hein. Donc, il y a un impact des rejets de chaleur liés aux activités humaines. Et du coup, il y a un cycle diurne qui est, enfin voilà, on observe des variations sur la journée et on observe aussi des variations entre les jours où les gens vont travailler, les jours où ils travaillent pas. Donc, il y a une sensibilité. Justement, c'était un peu la mode pour tous les chercheurs du monde, je pense, pendant le confinement, de poster des articles sur le Covid. Est-ce que vous avez déjà analysé les données pré-confinement et pendant le confinement des émissions de chaleur ? Non, pas du tout, non, non. Et c'est un truc que vous planifiez de faire ou... Alors, ça serait vraiment intéressant. Après, des observations de rejet de chaleur, on n'en a pas. Il faudrait regarder au moins, typiquement, par exemple, avec les données d'attatement. Est-ce qu'on observe une différence entre les températures pendant le Covid et pendant la... Ouais, non, ça serait intéressant. Hein. Après, il y a déjà des super études qui sont sorties sur... sur d'autres aspects, hein, sur la pollution, enfin on a vu les données sur la pollution d'Air Paris par exemple, ou sur les données de bruit. C'est je pense pas qu'on ait des choses aussi contrastées que ce qu'on a pu observer sur ces autres indicateurs, hein, en climat urbain. Et mais ça c'est un aspect que vous prenez en compte aussi dans vos mesures et dans vos modèles, la circulation justement. Alors nous, à nos échelles, avec nos modèles, on le prend en compte de façon très très simplifiée. Mais effectivement, il y a les rejets de chaleur liés aux voitures ont un effet. Alors après, il y a des saisons dans l'année où, il va y avoir une variabilité saisonnière de ces effets-là, parce que typiquement l'hiver, par exemple, quand il y a moins de soleil et que donc les effets vraiment du stockage de chaleur par les bâtiments va être un peu moins important parce qu'on a moins d'énergie solaire qui est disponible. Du coup, les autres sources de chaleur liées aux activités humaines peuvent être... en tout cas, l'îlot de chaleur humain peut être beaucoup plus sensible à ces autres sources de chaleur. Mmh. Mais oui, il y a un impact la combustion des moteurs de voiture sur la température. Il y a une autre question intéressante d'un auditeur dans la chatroom, Zouk, qui demande « Est-ce que le fait qu'on ait souvent construit des villes près de l'eau, ça a un effet sur la chaleur ?» Alors, c'est plutôt... chaque ville, par son environnement géographique, va avoir une réponse microclimatique qui va être différente. Et donc, souvent, sur les villes côtières, on va avoir un phénomène d'îlot de chaleur qui va être plutôt lissé un petit peu par les phénomènes de brise de mer, par exemple. On va avoir des entrées d'air maritime qui vont plutôt avoir tendance à rafraîchir et donc à limiter l'intensité de l'îlot de chaleur urbain. Donc on peut avoir ce genre de choses. Et par exemple, on avait fait une campagne de mesure sur Marseille où on voyait bien qu'effectivement, selon les conditions de vent, l'îlot de chaleur urbain pouvait être très différent. Donc on a vraiment un impact de la mer. Après, par contre, il y a d'autres enjeux majeurs, hein, sur les villes côtières, hein, qui vont être plutôt liés à la montée des eaux et au risque d'inondation en ville. Enfin voilà. Donc c'est d'autres enjeux liés aux effets du changement climatique sur ces villes. Globalement, la tendance en recherche, est-ce que c'est plutôt la multiplication des projets de recherche comme ça sur le climat urbain, ou est-ce que c'est un domaine qui reste assez stable en termes de nombre de contributions, ou tu dirais que c'est quoi la tendance ? En nombre, en termes de publications scientifiques, ça explose, hein, les recherches en climat urbain, sachant qu'aujourd'hui, en plus, ça couvre des disciplines très variées, tout ce qu'on peut mettre autour de climat urbain, hein, ça va de vraiment des études des processus, des observations, jusqu'aux études d'impact, le couplage avec le changement climatique, l'aménagement urbain, la bioclimatologie, donc vraiment les impacts sur la santé, enfin voilà. Donc il y a vraiment une vaste littérature scientifique sur le sujet. Et en termes de projets, en France, il y a quand même beaucoup d'appels à projets orientés sur sur l'adaptation des villes, à la fois sur les aspects rafraîchissement et aussi beaucoup sur les aspects énergie. Et je pense qu'on a une dernière question de la chatroom, mais qui du coup serait plus pour Joanne en fait. Il y a Béatrice qui demande « Est-ce que l'étude de la météo sur Mars ou ailleurs a permis de mieux comprendre la météo sur Terre, par exemple en voyant le rôle de la densité de l'atmosphère dans les modèles ?» Je suis pas spécialiste de Mars, mais d'une manière générale, je pense qu'on apprend plus sur les autres planètes en étudiant la Terre que sur la Terre en étudiant les autres planètes, parce que c'est quand même vachement loin, les autres planètes. Donc tous nos modèles d'atmosphère martienne sont basés bien évidemment sur beaucoup beaucoup d'analyses d'atmosphère terrestre, parce qu'on a beaucoup plus de mesures et d'années d'études. Voilà. Très bien. Eh bien, je pense que nous approchons de la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot avant que je termine les questions, Aude ? Ben non, écoute, je pense que on a fait le tour de toutes les thématiques. Il faut peindre les routes en blanc. Oui, alors voilà, sur la... là encore, peindre les routes en blanc, c'est bien d'un point de vue radiatif, mais par contre, d'un point de vue confort visuel, c'est pas terrible. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de solution. Il faut ouais, faire des choix. Très bien. Eh bien, comme on arrive à la fin, je propose de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. On aura une émission roue libre. Et pour le quiz du moment, donc je rappelle lequel il est. La vitamine C empêche de dormir, info ou intox. Donc comme chaque mois, semestre, ça dépend des moments, on fait un quiz info ou intox auquel on répond dans notre émission roue libre. Et du coup, je ne sais pas, Aude, si tu as une hypothèse sur la question. Je vais y réfléchir. En tout cas, pour les auditeurs, vous pouvez encore envoyer vos réponses jusqu'à la semaine prochaine où la réponse sera donnée. La vitamine C empêche de dormir. Vous pouvez nous écrire sur podcastscience@gmail.com ou sur les réseaux sociaux pour nous donner votre réponse. Aude, je pense que tu es venue avec une citation pour clore l'émission. Oui, tout à fait. Donc, ça m'a posé question là, donc finalement, j'étais pas forcément très inspirée et finalement j'ai choisi une citation de l'architecte Le Corbusier, donc qui a dit « Les matériaux de l'urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel, l'acier, le ciment, dans cet ordre hiérarchique et indissolublement ». Voilà, donc ça c'était ma citation. Alors pourquoi elle me parle, parce que moi je l'interprète un petit peu comme l'idée finalement c'est que on peut imaginer l'urbanisme en incluant les éléments urbains finalement dans l'environnement naturel et existant. Et notamment la nature. Alors moi, plutôt que les arbres, j'aurais dit la nature dans la citation. Et voilà, je voulais finir sur ça parce que moi, c'est vrai que c'est quand même un aspect qui me motive pas mal dans mes recherches. Hein, c'est cette question de la préservation de la nature en ville. On en a parlé un petit peu, voilà, parce que d'un point de vue environnemental, la nature, elle a certains bénéfices, mais aussi il y a de multiples bénéfices liés aux aspects sociologiques, culturels, architecturaux. Donc voilà, je voulais finir sur ça, sur l'idée que qu'il faut préserver la nature en ville et surtout la nature pour tous. Voilà. Eh bien, merci encore, Aude. Je pense que grâce à toi, tout le monde est mieux équipé pour comprendre ce qui nous attend en ville dans les prochaines années. Et peut-être qu'une solution sera de déménager à la campagne et de faire une cabane en forêt ou d'amener la forêt en ville. Voilà. On vous laisse réfléchir aux prochaines innovations, vous aussi. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail podcastscience@gmail.com. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, que servir la science soit votre joie. We'll be right back.